Bon, bah, tant pis, hein, on y va. Bon, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je tiens d'abord à excuser deux présidents, celui du département et celui de la communauté d'agglomération de Saint-Omer, qui sont tous les deux retenus par d'autres engagements. Je tiens à remercier particulièrement ma collègue Françoise Ducroquet et son équipe de la bibliothèque d'agglomération de Saint-Omer de nous avoir ouvert grand les portes de sa bibliothèque. Voilà, elle est partie s'enfermer dans son bureau tellement elle est timide. Merci à elle et à son équipe, parce que c'est vrai que depuis la semaine dernière, on leur cause un peu de bouleversement dans leur quotidien, leur organisation. Merci en tout cas à eux d'avoir, dès que nous avons évoqué la possibilité d'organiser ces états généraux à Saint-Omer, nous avoir ouvert grand les portes de la bibliothèque et nous accueillir avec chaleur et enthousiasme. Merci à ceux qui ont façonné le programme de cette journée, en particulier autour de Noémie Rion, ma collègue à côté de moi, qui est en charge du projet Première Page, d'Isabelle Sanier de Lié avec moi, de Mathilde Ben Saïd sur le projet Tioloupio, à droite cité, sans oublier tous les collègues jeunesse des antennes qui se sont également mobilisés. Et puis dans l'organisation et le déroulement de cette journée, ma collègue en charge des formations, Monique Carlier, a été également plus qu'impliquée. Quelques mots sur Première Page. Je souhaite souhaiter la bienvenue à Jeanne HB, qui est la marraine de Première Page au niveau national. Première Page, c'est un programme qui a été lancé par le ministère de la Culture en 2009 avec les objectifs de réduire les inégalités en matière d'accès aux livres et à la culture de l'écrit, sensibiliser les bébés et les très jeunes lecteurs aux livres tout en favorisant la collaboration entre les acteurs du livre et ceux de la petite enfance, tout en valorisant la littérature de jeunesse. Au départ, le principe était une naissance, un livre, et puis cette obligation a été levée, entre guillemets, dans la nouvelle formule qui a été mise en place en 2014 et qui faisait beaucoup plus une part plus grande aux initiatives de territoires un peu partout en France. Et du coup, c'est à l'occasion de cet élargissement que nous avons décidé de saisir l'opportunité de solliciter le label Première Page pour le département du Pas-de-Calais. Le ministère touchait jusqu'à 2014 60 000 enfants par an dans l'opération Première Page. Il avait été décidé de toucher 200 000 enfants par an, donc d'où l'élargissement. Notre projet, on n'est jamais trop petit pour lire. C'est parti d'un constat, effectivement, que la médiathèque départementale, on avait un fonds jeunesse et petite enfance d'albums assez important, on avait des expositions, on avait destiné aux plus jeunes, on soutenait des associations qui intervenaient quotidiennement dans la lecture aux tout petits. Et dans un département qui est quand même assez sévèrement touché par l'illettrisme, on s'est dit qu'il fallait peut-être aller plus loin. Et pour nous, l'idée, c'était bien que l'acte de lire dès le plus jeune âge, c'était favoriser la capacité de l'enfant, futur citoyen, à rêver, penser, créer. Et nous avons donc commencé à réfléchir, mais pas tout seul. On souhaitait faire avec. Et donc nous sommes allés chercher deux associations partenaires avec lesquelles nous travaillons très régulièrement, je vais dire quotidiennement pour certaines, pour co-construire ce fameux projet. On n'est jamais trop petit pour lire. C'est Droits de Cité qui a dès 2001 mis en place l'opération Tioloupio dans le bassin minier, qui a fêté cette année sa 15e édition. Et c'est l'association La Sauvegarde Lié avec moi qui pratique depuis 1988 la lecture en vogue d'albums aux tout petits à travers toute la région et dans tous les lieux de la petite enfance, et qui s'attache également particulièrement à la relation parent-enfant dans ses interventions. Le projet, nous l'avons articulé collectivement autour de trois volets. La valorisation et le développement du coup de cœur de Solupio à l'échelle du département, puisqu'au départ c'était bassin minier. La sensibilisation des acteurs de la petite enfance à la lecture aux tout petits par des actions de formation, d'accompagnement. Le recensement des actions mises en place dans le département, aussi bien conduites par des professionnels que par des bénévoles de la lecture, de la petite enfance, de la solidarité ou d'associations. Notre dossier a reçu dès 2015 le label première page de la part du ministère. Certes, il y a une participation financière, mais c'était pas forcément ce qui nous intéressait au premier chef. Ce qui nous intéressait au premier chef, c'était bien de nous inscrire dans un réseau national de partage, d'échange, d'informations, d'expériences. L'année dernière, nous avons conduit une première journée, première page, à la médiathèque de Grenay, qui nous a permis d'inviter d'autres acteurs impliqués dans les actions et dans l'opération première page depuis plusieurs années. Et les témoignages avaient vraiment passionné l'assistance, qui était autour de 80-90 personnes, taux jauge maximum de la salle. Et nous avons, pour la deuxième année, décidé d'intituler cette journée « État généraux de la lecture aux tout-petits dans le Pas-de-Calais » parce que nous voulions donner la parole aux acteurs de notre département. En effet, à l'occasion du recensement qu'on avait amorcé début 2015, des actions qui sont menées en faveur de la lecture des tout-petits dans le département, nous avions constaté à la fois la richesse et la diversité des projets. Certaines actions étaient conduites depuis plusieurs années, étaient très installées. D'autres initiatives étaient plus récentes ou éphémères, et certaines modestes, mais absolument utiles, d'autres beaucoup plus ambitieuses. Et c'est cette richesse et cette diversité qu'on a voulu essayer de vous donner juste un tout petit échantillon aujourd'hui dans le cours de ces ateliers. Nous avions souhaité que pour ces états généraux, on puisse toucher pas seulement les bibliothécaires, pas seulement les animateurs petite enfance, mais aussi les éducateurs, les relais assistantes maternelles, les puéricultrices assistantes familiales, mais aussi les lecteurs bénévoles et des papas et des mamans. Si je regarde la liste des inscrits à cette journée, je peux dire que le pari semble bien parti pour être gagné. Pour nous apporter de la matière à ces ateliers et ces présentations qu'on aura tout au long de la journée, nous avons invité deux personnalités, Evelio Cabrero-Para, qui est psycholinguiste et qui va nous expliquer comment le tout petit développe sa pensée, son langage à travers les histoires qu'on lui lit. Et puis, je l'ai déjà cité tout à l'heure, la marraine de première page, Jeanne HB, auteure-illustratrice, qui elle nous dira ce qui se passe dans la tête d'un auteur créateur d'albums pour les tout-petits. Voilà, je ne vais pas prendre plus de temps. Nous devions démarrer à 30, il est 32, donc 33. Voilà, je vais passer la parole à Noémie qui va vous expliquer la suite du programme. Et puis, je pense qu'il y a une petite surprise par rapport au programme qui n'est pas annoncée. Mais bon, voilà, je ne dis plus rien. Merci.